إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on continue notre lecture dans le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab Al-Aqil, qui s'intitule Al-Fitna wa Mawqiful Muslimi Minha, c'est-à-dire la fitna et la position du musulman, c'est-à-dire la position du musulman vis-à-vis de la fitna. Et on est aujourd'hui dans le cours numéro 9 dans la lecture du livre. Et on est toujours maintenant, on a commencé au dernier cours la deuxième partie. On a commencé la deuxième partie au sujet de la position du musulman. La position du musulman selon la charia, la position que le musulman doit adopter selon la charia vis-à-vis des fitans, et ainsi que les conséquences néfastes de ces fitans sur les individus et sur la umma. Et sur ce point là on a expliqué que il y a 5 sujets dont on va parler, et là on est dans le premier d'entre ces sujets là wujub at-tathabbut wa at-tabayyun wa waqt al-fitna, c'est-à-dire l'obligation de vérifier, faire la vérification des informations qui sont transmises et de clarifier les choses au moment où, lorsqu'il y a une fitna. Donc ça c'est très important. Puis on a expliqué donc quelques points dans l'introduction de ce sujet. Non, on continue donc dans la même branche, yani dans le même sujet, inshallah, pour clarifier encore plus les règles qui sont reliées à cette question. Donc le cheikh, il commence cette partie qu'on va lire aujourd'hui donc avec la mention d'un verset qui est relié directement avec ce sujet-là. C'est le verset 83 dans Sourate An-Nisa qui nous explique en fait le manhaj à adopter face aux informations qui sont transmises. Et le cheikh il dit wa qala ta'ala wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, une nouvelle qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers ou à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des détenteurs du commandement parmi eux. Et n'eussent-ils de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le shaytan à part quelques-uns d'entre vous. Donc, ça c'est le verset en question, et on voit qu'il contient plusieurs règles très très importantes à respecter et à prendre en considération dans la question de diffusion des nouvelles et des informations, surtout quand c'est relié avec les questions qui ont rapport avec la sécurité des musulmans et la crainte, ou vis-à-vis des informations qui les réjouissent et, ou bien qui les affectent et qui les apeurent ou qui ont un rapport avec qu'est-ce qui amène la crainte. Donc, ça c'est très important, et surtout à notre époque, et comme on va le voir dans ce que le cheikh il va mentionner comme explication de ce verset, hein, c'est très important de faire attention à ça aujourd'hui, puisqu'on a remarqué, Allahul Musta'an, et c'est très dommage que, malheureusement, beaucoup de musulmans, ils prennent l'habitude de diffuser tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'ils reçoivent comme information, ils se le renvoient comme email, hein, par des messages électroniques, par email, par internet. Ils diffusent tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils reçoivent comme message, et ils l'envoient à leurs contacts. Parfois c'est des choses qui ont rapport avec des informations qui sont attristantes ou alarmantes, hein, des choses qui sont des situations qui nous dépassent parfois et qui ramènent la tristesse dans le cœur des croyants. C'est très important de faire attention à ça, surtout quand c'est des questions qui ont rapport avec différentes fitnes, de transmettre ces informations là de la part des kuffars ou de la part des gens de bid'a, hein. Il y a beaucoup d'exemples de ça qu'on pourrait mentionner. Donc on va commencer à lire les paroles que le cheikh a mentionnées des ulama et des exemples, puis après on expliquera les détails, d'autres exemples si possible, inshallah. Donc le cheikh dit: wa qala ibn kathir rahimahullah fi hadhihi al-aya inkar 'ala man yubadir ila al-umur qabla tahaqquqiha wa yukhbiru biha wa yufshiha wa yanshuruha wa qad la yakunu laha sihha. Donc l'imam ibn kathir il dit dans son tafsir au sujet de ce verset que dans ce verset, il y a la réprimande et la condamnation de l'attitude des gens qui se précipitent dans les affaires, avant d'avoir fait attention de vérifier correctement les informations. Et il les transmet, il informe les gens de ces informations-là sans les avoir vérifiées. Et il les propage et il les diffuse, alors que il se peut que ces informations-là ne soient même pas correctes, ne soient même pas exactes. Hein? Donc ça c'est l'exemple de cette explication de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir au sujet de ce verset. Ensuite il dit: فَهَذِهِ الْآيَةِ تُوْجِبُ التَّثَبُّتُ وَالتَّبَيُّنُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَخْبَارِ وَتُنْكِرُ كَمَا ذَكَرَ الْإِمَامُ وَتُنْكِرُ كما ذكر ابن كثير على من يبادر أو من بادر وسارع في نقلها ونشرها قبل أن يتحقق ما حتى أو قبل أن يتحقق من صحتها. وأرشدت كذلك إلى أمر آخر مهم، وهو أن الأخبار إنما تنقل إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء ولا تنقل إلى عامة الناس، لأن النقل إلى عامة الناس لا فائدة فيه، وإنما الفائدة في نقلها إلى أهل الحل والعقد الذين يحسنون فهم الأمور واستنباط المصالح منها ولديهم القدرة على درء المفاسد. قال: وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عدة روايات تحذر من العجلة وعدم التثبت منها. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال. Donc le cheikh il explique, donc le cheikh Mohamed Al-Aqil il explique ici que ce verset, il nous ordonne et il nous oblige de faire attention et de vérifier comme il faut et de clarifier clairement les choses qu'on entend comme information et comme nouvelle. Et il dénonce également et il condamne également, comme l'a mentionné l'imam Ibn Kathir, il dénonce et il condamne la personne qui se précipite à transférer et à diffuser des informations sans les avoir vérifiées correctement. Et ça, malheureusement, on le voit beaucoup, Allah al-Musta'an, à notre époque, et parmi les musulmans, et encore plus, bien entendu, parmi les kuffars, qui ne font que diffuser des informations, et souvent, c'est pas des sources sûres, et des sources fiables, Donc, ils font beaucoup d'erreurs comme ça en diffusant des informations incorrectes. نعم على من بادر وسارع في نقلها ونشرها قبل أن يتحقق من صحتها. Donc, on voit que le verset condamne les personnes qui se précipitent et qui se hâtent à diffuser et à transférer des informations avant de les avoir vérifiées, avant d'avoir vérifié leur authenticité et leur fiabilité. Et ce verset a également orienté les gens, ou bien guidé les gens, vers une autre chose également importante, et c'est-à-dire qu'on doit uniquement transférer les informations et les nouvelles aux gens qui sont responsables, hein, et aux dirigeants parmi les, et aux hommes qui détiennent le commandement, parmi les ulama et les dirigeants. Parmi les ulama et les dirigeants. Et c'est à eux que les informations doivent être transmises. Elles ne doivent pas être transmises aux gens en général et à la population en général. Hein? Parce que le fait de diffuser les informations aux gens en général, il n'y a aucun bienfait là-dedans. Il n'y a aucun point bénéfique là-dedans. Hein? Le point bénéfique, qu'est-ce qui est vraiment bénéfique, c'est de transmettre ces informations-là aux gens qui ont un rapport dans les décisions qui sont prises dans la société et qui sont capables de changer la situation ou d'arranger le problème s'il y a une situation qui est problématique. Contrairement à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein, que lorsqu'il y a une situation ou qu'il y a un problème ou quelque chose, les informations sont diffusées directement maintenant à la population et aux gens. Et surtout maintenant par les moyens ou par le biais de la propagande, yani, et surtout par les moyens de diffusion aujourd'hui qui sont très très rapides, hein, comme Internet, et yani, des sites de diffusion d'informations maintenant par vidéo ou bien par audio ou par texte qui sont rapidement diffusés et directement à la population maintenant. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui amène beaucoup de méfaits et beaucoup d'aspects négatifs que beaucoup de gens ne réalisent pas. Hein, parce qu'ils ont été influencés aujourd'hui par les idées de liberté d'expression, puis de la presse, et de la liberté de presse, et puis de la diffusion des informations. Donc, il croit que toute information, c'est bon de la diffuser à tout le monde et à n'importe qui, comme on va le lire tout à l'heure dans l'explication du shaykh. Donc, il dit ici que l'information doit être premièrement diffusée aux ulama et aux dirigeants, ceux qui ont une décision dans les questions politiques ou sociales ou des choses qui se produisent dans la société. Et c'est à eux qu'on doit les transmettre, ces informations-là, parce que c'est eux qui savent comment comprendre les situations correctement et qui savent comment extraire les choses bénéfiques pour la population dans ces informations-là. Et c'est eux également qui ont la capacité de repousser les méfaits qui sont reliés à ces informations-là. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهِ عِدَّةَ رِوَيَاتٍ تحذر من العجلة وعدم التثبت منها. Donc il dit que Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, il a mentionné plusieurs narrations qui ont été rapportées et qui mettent en garde et qui avertissent contre la précipitation et le fait de se hâter et de ne pas vérifier les informations. Et il mentionne parmi ces hadiths-là le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit comme mensonge pour une personne qu'elle mentionne tout ce qu'elle entend. Il suffit comme mensonge pour une personne qu'elle parle ou qu'elle dise tout ce qu'elle entend. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim dans l'introduction de son sahih. Hein? Donc, le fait de diffuser et de dire tout ce qu'on a entendu, ça déjà, ça suffit comme mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ça comme étant un mensonge. Ensuite, il mentionne un autre hadith également rapporté par Al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-qil wa al-qal. Al-qil wa al-qal, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce que les gens racontent. Et il explique donc ce hadith-là par les paroles de Ibn Kathir. Il dit قال ابن كثير رحمه الله أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. C'est-à-dire que القيل والقال, le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit القيل والقال, ça signifie, c'est-à-dire le fait de parler beaucoup ou de rapporter beaucoup de paroles de ce que les gens disent sans vérifier, sans réfléchir, sans méditer et sans clarifier les choses. C'est juste, tu racontes tout ce que tu entends, qu'est-ce que les gens sont en train de dire, tu le répètes. Puis Ibn Kathir, le Cheikh il dit, ثم ذكر ابن كثير رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم. Donc ce hadith, le hadith qui mentionne que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de rapporter tout ce qu'on entend et tout ce que les gens disent, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans son Sahih, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha anil qil wal qal. Il a interdit de diffuser ou de transmettre tout ce que les gens racontent. Et ensuite, le Cheikh il dit, thumma zakar ibn kathir qawlahu صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا. Donc il a rapporté ce hadith qui est rapporté dans le Sunan de l'imam Abi Dawud. Il dit ensuite وقال ابن كثير رحمه الله يذكرها هنا حديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال لا فقلت الله أكبر الحديث وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ قال لا فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت الآية قال عمر رضي الله عنه أنا استنبطت ذلك الأمر. Donc le hadith بئس مطية الرجل زعموا, ça j'ai pas compris la signification de ce hadith. Il faudrait que je vérifie encore une fois la signification dans le sharh de Sunan Abi Dawud pour vérifier sa signification. En ce qui concerne ensuite, il dit que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que il y a également, parmi ce qu'on peut mentionner ici, dans ce sujet, le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc qui est muttafaqun alayhi, lorsqu'on lui a transmis que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait divorcé ses épouses. Alors, le Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cette nouvelle, il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chez lui, et il est rentré dans la... Faja'a min manzilihi, pardon. Il est venu de chez lui, et il est rentré dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé les gens assis dans la mosquée, il est rentré dans la mosquée, il a trouvé que les gens étaient en train de dire cette chose. C'est-à-dire, les gens étaient en train de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé ses femmes, a divorcé ses épouses. Donc, il n'a pas pu se retenir, il est parti tout de suite, il n'a pas pu patienter, il est tout de suite allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la permission de rentrer chez lui. Puis il lui a demandé, des explications à ce sujet-là. Est-ce que tu as divorcé tes épouses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite a dit non, je ne les ai pas divorcées. Et donc Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit Allahu Akbar. C'est-à-dire Allah, Allahu Akbar en voulant dire Allah est le plus grand. Une parole qu'on dit également par étonnement ou bien par quand quelque chose nous réjouit ou nous étonne. Donc, dans une autre, ça c'est le hadith, et dans la narration ou dans la version de l'imam Muslim, il dit, et donc j'ai dit à Omar, est-ce que tu les as divorcés? Il a dit non. Alors je me suis levé vers la porte de la mosquée et j'ai appelé de toute ma force, la force de ma voix, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas divorcé ses épouses. Et le verset 83 dans Surat An-Nisa a été révélé à cause de ça, à cette occasion-là. Le verset 83, comme on a mentionné tout à l'heure, sa signification, et quand leur vient une nouvelle rassurante ou alarmante qui est reliée, et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent, comme on a lu tout à l'heure. Une nouvelle qui a rapport avec les choses qui ont un lien avec la sécurité ou la crainte. Et s'il la rapportait aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des détenteurs du commandement. C'est-à-dire ils auraient entendu ces informations-là de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui détiennent le commandement, et ce sont ceux qui savent quoi faire avec ces informations-là et comment extraire les choses qui sont bénéfiques pour les gens de ces informations-là. Et donc, ce verset-là a été révélé par rapport à cette occasion-là. Les gens étaient en train de... Les gens étaient en train de mentionner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait divorcé ses épouses, alors que ce n'était pas vrai, alors que c'était une information incorrecte. Et ils n'ont pas vérifié, ils ont commencé à diffuser cette information-là. Et il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui amène la tristesse, c'est une nouvelle alarmante, lorsqu'on entend cette chose, et surtout lorsque ça devient une rumeur, et que les gens commencent à propager cette rumeur, dans la rue ou parmi les gens ou dans la population. Donc Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a fait la chose à faire, et il est allé tout de suite retourner à la source pour demander est-ce que cette information là elle est exacte ou non, et puis il l'a diffusé cette information là donc on voit dans ce genre d'informations et dans ce genre de comportement de la part de Omar ibn al-Khattab, comment on doit agir et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a des situations pareilles, et ne pas diffuser juste toute information qui nous arrive, mais de retourner à ceux qui détiennent le commandement et aux ulama et aux dirigeants pour voir avec eux est-ce que ces informations-là sont exactes et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là. Donc Omar a dit à ce sujet, أنا استنبطت ذلك الأمر. C'est moi qui a extrait cette information là, qui est retournée à la source et qui a su quoi faire avec cette information là. Il dit: وقال السعدي رحمه الله هذا تأديب من الله لعباده عن فعل غير عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. Donc cette parole de l'imam Al-Sa'di dans son tafsir au sujet de ce verset, il nous explique que dans ce verset, verset 83 dans Sourate An-Nisa, il y a l'éducation que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux serviteurs au sujet de leur comportement ou leur attitude face aux informations et aux choses qu'ils diffusent qui ne sont pas propices et qui ne sont pas appropriées. Et il dit qu'il n'est pas correct, n'est pas acceptable de leur part que lorsqu'une nouvelle ou une information leur parvient, parmi les choses qui sont importantes et qui sont reliées à la sécurité de la population en général, ou à qu'est-ce qui réjouit les croyants, ou bien qui est relié également avec les choses qui ont un lien avec la crainte et la peur. Lorsqu'il y a par exemple un événement ou une information dans laquelle il y a un malheur pour eux, de vérifier, qu'il est obligatoire pour eux dans ce cas-là de vérifier et de ne pas se précipiter à propager et à diffuser cette information-là parmi les gens, parmi la population et parmi les musulmans. Et il explique qu'ils doivent ramener cette information-là au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ceux qui détiennent une bonne opinion et qui détiennent la science et la connaissance, qui sont des gens sincères, qui donnent la nasiha, qui vont donner le bon conseil, et qui détiennent également une raison stable et ferme, une bonne compréhension, qui sont des personnes équilibrées, qui comprennent et qui connaissent les choses, et qui connaissent les bienfaits et les méfaits. Et lorsqu'ils voient dans le fait de diffuser, donc ces gens-là, lorsqu'on leur diffuse, lorsqu'on donne cette information à ces gens-là, eux, ils vont savoir quoi faire avec cette information-là par la suite. Et ils vont regarder dans cette information, est-ce qu'il y a dans le fait de la diffuser quelque chose qui va avoir un bienfait, qui va encourager et motiver les croyants, qui va mettre la joie dans leur cœur. Dans ce cas-là, ils la diffusent. Et s'ils voient qu'également il y a dans cette information quelque chose qui va les protéger contre leurs ennemis, il y a également là-dedans un bienfait pour les croyants, alors ils la diffusent. Mais si c'est quelque chose dans une information dans laquelle il n'y a pas de bienfait pour les croyants, ou bien il y a un bienfait quelconque, mais ce n'est pas un bienfait total, c'est-à-dire que le mal qui est dans cette information-là dépasse le bienfait. Alors dans ce cas-là, il ne la diffuse pas, cette information-là. Il ne la diffuse pas, et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 83, « لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ » C'est-à-dire ceux d'entre eux qui sont capables, avec leur pensée, avec leur opinion correcte et droite, avec leur science qui sont bien orientées, ils sont capables d'extraire de ces informations-là qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est bien. Alors, dans ce cas-là, c'est à eux qu'il faut renvoyer cette information-là. Et ça, c'est une preuve d'une règle qui existe dans les questions qui ont rapport avec le fait de bien agir et d'avoir le bon comportement dans les questions de diffusion des informations, ou bien dans les questions qui sont reliées également à la recherche et à la science aussi, que lorsqu'on a une recherche à faire au sujet d'une question, il faut laisser les personnes qui sont aptes à le faire et qui sont bien qualifiées pour le faire prendre cette responsabilité de faire cette recherche. c'est-à-dire les gens qui sont spécialisés dans leur domaine et qui connaissent les questions, c'est à eux qu'on doit donner la responsabilité de faire ces recherches-là au sujet de ces questions. Et on doit donc donner les responsabilités à ceux qui sont qualifiés et à ceux qui sont aptes dans ces questions et dans ces recherches. Et on ne doit pas laisser passer devant eux d'autres personnes qui ne sont pas qualifiées pour le faire. Et le fait de laisser ces questions-là aux gens qui sont qualifiés, eh bien ça c'est quelque chose qui est plus proche de la bonne position et de la position correcte. Et quand on agit de cette façon, c'est-à-dire lorsqu'on donne les responsabilités des recherches de ce genre aux gens qui sont aptes à le faire, qui sont qualifiés et bien formés, eh bien on est plus proche de qu'est-ce qui va nous sauver de l'erreur, qu'est-ce qui va nous mettre à l'abri de l'erreur. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. Donc il mentionne ici qu'il y a également dans ce verset l'interdiction de se précipiter, de se dépêcher à diffuser les informations lorsqu'on les entend, et de bien méditer avant de parler, et de bien observer dans la réalité de ces choses-là pour voir est-ce qu'il y a un bienfait dans cette information, donc on la diffuse, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un bienfait, et donc on la retient, et on empêche les gens de connaître ces informations-là. Donc ça c'est la fin de la citation de l'imam ou du cheikh As-Sa'di dans son tafsir au sujet du verset 83 dans Surat An-Nisa. Et on voit que donc cette méthodologie que le cheikh a mentionnée, l'imam Ibn Kathir et l'imam As-Sa'di également ont mentionné dans leur tafsir respectivement, eh bien on voit que c'est la méthodologie à suivre pour le musulman. Malheureusement, c'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui parmi les musulmans, surtout parmi les jeunes et également parmi les koufars, ça c'est encore plus, avec leur système d'information et avec les nouvelles qu'ils diffusent. Et justement à ce sujet-là, parmi les exemples de qu'est-ce qu'on remarque chez les jeunes musulmans, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le fait de vouloir diffuser tout ce qu'ils trouvent. Et parfois, par exemple, quelqu'un il va trouver un site internet parmi les sites de bid'a, ou bien parmi les sites dans lesquels il y a des déformations de l'islam. Et eux, ils pensent que en diffusant ce site ou cette information au sujet de ce site, il va y avoir un bienfait dans le sens de mettre en garde contre ce site. Alors qu'il est bien possible que ce site-là soit inconnu. C'est-à-dire que peut-être que ce site-là, il est vraiment pas, diffusé. C'est-à-dire pas beaucoup de gens sont au courant de l'existence de ce site. Et le mal qui est dans ce site-là est restreint à quelques individus seulement. Et donc, la personne pense bien faire en voulant mettre en garde contre ce site ou contre un individu qui, justement, n'a pas beaucoup d'auditoire, n'a pas beaucoup d'influence ou d'impact. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle va prendre cette information-là et envoyer ça dans des forums ou dans des listes de contacts de diffusion Internet. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que le site qui était inconnu auparavant et qui n'influençait que très peu de personnes, maintenant va commencer à être connu parmi les gens et ils vont commencer à entrer dans ces sites ou à commencer à s'intéresser à écouter cette personne, et ça fait en sorte donc que l'information ou l'égarement que cette personne-là propage devient encore plus propagée et encore plus diffusée qu'elle ne l'était auparavant. Et c'est pour ça que parfois des gens veulent mettre en garde contre certaines choses ou contre certains individus, et au lieu de mettre en garde contre eux, ils font plus de publicité pour lui que de mettre en garde. Et le résultat de ça, c'est que le mal se propage plus encore. Donc il faut savoir distinguer dans quelle situation on met en garde publiquement contre une personne en particulier et dans quelle situation on ne le fait pas. Et c'est pour cette raison-là que les ulama, quand ils parlent par exemple du fait de mentionner le nom d'un individu ou le nom d'un livre pour mettre en garde contre celui-ci, ils prennent toujours en considération les bienfaits et les méfaits et les conséquences qui sont reliées à ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on retrouve parfois des fatawas, des ulama qui sont différentes au sujet, à ce sujet-là. Lorsque, par exemple, on trouve un shir ou un alim à qui on demande est-ce qu'on doit mettre en garde contre un individu en citant son nom ou non, il mentionne que, dans certains cas, il mentionne que non, tu mentionnes seulement l'erreur de la personne et tu ne cites pas son nom. Tu vas mentionner seulement son erreur puis tu la réfutes avec les preuves du Coran et de la Sunna, puis tu mentionnes pas le nom. Et dans d'autres cas, ils disent, oui, tu mentionnes le nom, et tu mets en garde contre la personne explicitement. Et ça, c'est dans certains cas aussi. Donc, toujours par rapport au bienfait qui est relié à ça. Si la personne est déjà connue, et que son erreur est déjà diffusée, et qu'elle est propagée partout, et que tout le monde la connaît, hein, alors dans ce cas-là, de mentionner le nom et de mettre en garde contre cette personne en expliquant son erreur et en mentionnant qui elle est, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est plus bénéfique dans le sens que les gens connaissent le nom et pour éviter donc que cette erreur se propage encore plus, il est bien de clarifier de qui on parle et de quelle erreur il s'agit exactement pour que les gens soient avertis. Tandis que si c'est une personne qui n'est pas connue, ou qu'il n'y a pas beaucoup d'auditoires, ou qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent, et que c'est une erreur qui risque d'induire beaucoup de gens en erreur, parfois c'est mieux uniquement de se limiter à réfuter l'erreur sans mentionner le nom de la personne dans ce cas-là. Donc il faut faire attention à ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la sagesse qu'il y a derrière ça, derrière ce comportement et cette attitude-là, et c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Aussi, les gens, quand il y a des guerres qui se passent, ou des attaques, ou des massacres dans certains endroits, et parfois on prend il y a des journalistes ou des gens qui ont pris des photos ou des images de ces choses-là qui se sont produites, et parfois c'est des choses qui vont être vraiment graphiques, des images de personnes complètement il y en a des gens qui ont été décapités ou complètement détruits leur corps avec des explosions ou des choses comme ça, et eux ils mettent ça dans ils mettent ces images dans les photos, ils envoient ça à leurs contacts, les ulama ont dit à ce sujet là qu'il faut pas diffuser ces images parce que ce sont des images qui amènent la peur et la crainte et qui ramène également la tristesse dans le cœur des musulmans. Et dans d'autres occasions, ça va même ramener le désarroi et la colère et la haine, mais démesurée, de façon démesurée. Et ça c'est parfois utilisé de la part des gens de bid'ah, parmi les khawarij et les autres, pour justement inciter les autres musulmans à la haine et à réagir de façon irréfléchie dans la façon de gérer ou de régler ces problèmes et de régler ces situations difficiles dans la Ummah. Donc ils montrent ces choses-là aux musulmans et disent regardez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, on fait rien, et donc il faut faire ci, il faut faire ça. Ils commencent à appeler les gens à faire des actes qui sont contraires à l'islam pour répondre à ces actes de malheur et de violence ou des choses de ce genre. Et ils ne résolvent pas le problème, ils ne font que rajouter des problèmes à la situation. Le cheikh il dit ensuite: Fanzur ra'aka Allah wa hamaka min al-fitan ما ظهر منها وما بطن هذا العلاج الرباني وقت وقوع الفتن وذلك بالصبر والتثبت وعدم العجلة فإن ذلك السلامة من الفتن كما في النصوص السابقة. Donc il dit regarde qu'est-ce qui a été mentionné par le Cheikh Sa'di ici dans cette information là que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve et te garde et qu'il te préserve également des fitanes, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. Regardez ce remède qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous est mentionné comment réagir dans les moments où il y a des fitanes et lorsque des malheurs et des tribulations et des problèmes se produisent, comment réagir et comment faire face à ces informations-là avec patience, avec réserve, de vérifier comme il faut les informations, de ne pas se précipiter à les diffuser, parce qu'il y a dans ça le fait d'être préservé des épreuves et des tribulations et des problèmes, comme c'est mentionné clairement dans les textes précédents qu'on a mentionnés. Il dit ensuite, « وانظر إلى فهم عمر رضي الله عنه وتثبته وكيف سلمه الله من هذه الفتنة بسبب التثبت في الأخبار. » Il dit, regardez également la compréhension de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et comment il a été tout de suite vérifié l'information, et comment, à cause de cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné de cette fitna, à cause du fait qu'il a vérifié l'information. Donc ça c'est très important. Et il y a des fois des gens qui entendent des choses sur différentes questions, tout de suite ils prennent l'information de la part de n'importe qui, et il se base sur cette information-là pour établir des jugements et des verdicts sur des personnes ou sur des choses ou sur des situations alors qu'ils ne savent même pas la réalité de la chose. Et par la suite, ils commencent à mettre en garde ou à avertir les gens contre quelque chose ou contre un individu. Et après, par la suite, on leur apprend que c'était pas l'information qu'il avait n'était pas correcte, n'était pas vraie. Alors la personne, par la suite, elle est embarrassée maintenant parce qu'elle doit revenir sur ce qu'elle a fait comme erreur dans son jugement parce qu'elle s'est précipitée. Et parce qu'elle a parlé sans vérifier les informations et sans être certain des choses. Et donc ça, c'est sûr que c'est une cause de gêne et d'embarras. Et ça, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous de corriger ça et de vérifier correctement l'information avant de la diffuser pour être certain que qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on va établir comme jugement par rapport à ces informations-là vont être vraies, comme dans le comportement de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui est tout de suite allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as divorcé tes épouses? Est-ce que c'est vrai? Il n'a pas juste cru en ce que les gens ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé ses épouses, puis commencé à aller dire ça à tout le monde. Non, il est allé tout de suite vérifier avec la personne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu as fait ça? Et il a clarifié. Donc, à cause de ça, il a été épargné de cette fitna. Et ensuite, il dit, « وَقَدْ ابْتُلِيَتِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْيَوْمِ بِأَقْوَامٍ لَا هَمَّ لَهُمْ إِلَّا الْبَحْثَ عَنِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَسَقِيمِهَا ونشر هذه الأخبار في الأمة مسلمها وكافرها دون روية وتثبت ودون النظر في عواقب الأمور ودون معرفة للمصالح والمفاسد المرتبة على نشر هذه الأخبار بل يظنون وللأسف الشديد أنهم ينشرون أنهم بنشرهم هذه الأخبار الظنية يرفعون من علوم الأمة وثقافتها وفقهها بواقعها وما دروا أن في نشر هذه الأخبار تثبيطا للأمة وزرعا للشك واليأس في قلوب الناشئة وعوام الأمة واستهانة بأولياء الأمور وعلمائها. Donc le Cheikh il mentionne un point important. Il dit que la Umma actuellement elle a été éprouvée par des gens qui n'ont aucun autre intérêt ou aucune autre motivation ou but que la recherche dans ces informations-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, authentiques ou non authentiques, hein, correctes ou incorrectes, et de la diffuser dans la Ummah, et parmi les gens, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, sans vérification et sans clarification, et sans essayer de vérifier l'authenticité, et sans également prendre en considération le fait d'observer les conséquences de la diffusion de ces informations-là, et sans non plus connaître les méfaits et les bienfaits qui sont reliés à la propagation de ce genre d'informations. Et ils pensent ou ils s'imaginent, hein, malheureusement, que de diffuser ces informations-là, qui sont des informations qui sont basées sur des conjectures, hein, parfois, et qui ne sont que des suppositions, qu'en diffusant ces informations-là, ils s'imaginent donc qu'ils vont relever le niveau de culture de la population et le niveau de compréhension que la population possède de la réalité de ce qui se passe et au sujet de l'actualité. Et ils n'ont pas réalisé, ces gens-là, qu'au contraire, en diffusant ces informations-là, ils ne font que ralentir la Oumma et la laisser dans son immobilisme et à diffuser parmi eux, en propageant parmi eux donc ces doutes et ce désespoir-là qui va rentrer, ce désarroi dans le cœur des jeunes en particulier et des gens parmi les musulmans en général et de la population en général, et qui fait en sorte également qu'on a également fait preuve de négligence envers les responsables de la Oumma, et on a dénigré en même temps, en faisant ça, les responsables parmi les ulama et les dirigeants, parce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, hein, que ceux qui donnent l'information au peuple et à la population, ce sont les gens qui veulent élever le niveau de la compréhension et de la culture générale de la population, tandis que les ulama, eux, et les dirigeants, eux, ils cachent à la population des informations qu'eux considèrent être importantes, et donc ils font du tort et ils dénigrent et ils rabaissent les responsables des musulmans en agissant de cette manière-là. Et beaucoup, parfois, lorsqu'ils ont ces idées-là, lorsqu'ils ont cette idée-là et ces compréhensions-là, subhanallah, ils les prennent des koufars. Ils prennent ces idéologies des koufars ou ces idées des koufars. Hein. Et là, vous avez des musulmans, quand ils entendent des explications à ce sujet-là, comme qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, eux, ils vont encore, surtout les politiciens parmi eux et les ikhwan parmi eux, qui sont les premiers parmi les gens à vouloir utiliser cette méthode, hein, de diffuser toutes les informations. Et ils ont par exemple des sites internet ou des forums où la seule chose qu'ils font dans ces sites-là, c'est de copier-coller des articles de journaux et des reportages qui ont été faits par les koufars et de les envoyer à tout le monde ou de les diffuser à tout le monde et de distraire les musulmans par ces choses-là, hein, au lieu de leur diffuser la science qui est bénéfique pour eux et les choses qui sont importantes pour eux. Il y en a que c'est leur seule activité de suivre les médias et de voir tout ce qui a été écrit ou tout ce qui a été dit dans les médias par les koufars et de le transmettre aux musulmans en général ou aux gens en général. Alors que souvent ce sont des nouvelles ou des informations qui sont remplies de déformations de la réalité, remplies de mensonges, remplies de choses qui mettent dans le cœur des croyants de la tristesse, hein, et également il y a parfois de la colère et de la rage, parce que on voit que c'est des mensonges qui sont mentionnés contre l'islam et contre les musulmans. Donc il y a dans ça un comportement qui est incorrect, totalement incorrect. Donc, ça c'est très important donc, de prendre ça en considération et de faire comprendre que ces gens-là, ils essaient de dire aujourd'hui, par exemple, comme, ah regardez, ça c'est l'islam, la compréhension des Saoudiens de l'islam ou la compréhension des savants, des dirigeants qui, hein, comme ils les appellent, qui veulent empêcher aux gens d'avoir la diffusion des informations. Hein. et ils disent que ça c'est une nouvelle version de l'islam. Alors, est-ce que l'imam Ibn Kathir, fait partie de ceux-là que vous mentionnez? Est-ce que l'imam Ibn Kathir, qui vivait il y a des siècles auparavant et qui est connu parmi les grands ulama de la Ummah, qui a expliqué ce verset-là de cette façon, est-ce que lui, il fait partie de ceux-là? Est-ce que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui a agi de cette manière-là et qui nous a montré le comportement à adopter vis-à-vis des informations, est-ce que c'est de lui que vous parlez également quand vous critiquez cette voie? Donc on sait qu'alhamdoulilah, les ulama qui nous expliquent ces choses-là et qui nous clarifient ces règles-là, ce sont les ulama qui suivent la voie de Ahl sunnati wal jama'a et qui suivent les explications des salaf salih, et la voie et la compréhension des salaf salih à ce sujet-là. Et donc, alhamdoulillah, on sait que, donc si des gens critiquent des ulama parce qu'ils enseignent cette voie-là, on a des références et on a des preuves à ce sujet-là dans le Coran. Les hadiths sont clairs, les versets dans le Coran sont clairs, et les paroles des ulama à ce sujet-là sont claires également. Maintenant, vous avez juste à mettre l'attitude et le comportement de ces gens-là parmi les Ikhwan et les autres Hizbiyin, qui ont adopté le comportement et les méthodes des kuffars dans le traitement des informations, et de comparer les deux et de voir laquelle est plus proche de la vérité par rapport à la balance de la charia, par rapport à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et non pas par rapport à la logique de X ou la logique de Y, ou qu'est-ce que quelqu'un considère comme étant logique ou acceptable selon son jugement personnel, sans prendre en considération les règles et les fondements de la charia à ce sujet-là. Ou bien de prendre des versets qui sont généraux pour essayer de les appliquer pour contredire les versets spécifiques et clairs au sujet de cette question-là. Comme souvent c'est l'attitude des gens de bid'a qui veulent frapper des versets contre d'autres ou des hadiths contre des versets et contre d'autres hadiths authentiques pour essayer de justifier leur passion, et mettre les textes de la révélation en opposition les uns contre les autres, Allahul Musta'an. Comme par exemple, quand on donne aux gens les hadiths au sujet de l'obéissance des dirigeants, eux, ils nous ramènent avec, qui sont des hadiths qui sont spécifiques et explicites et clairs à ce sujet-là, ils nous ramènent des versets et des hadiths généraux qui parlent de l'obligation, par exemple, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ils essaient de frapper une partie des textes contre les autres. Alors qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition entre ces textes-là, mais c'est eux qui ne savent pas comment les comprendre. Le texte qui est général, il est restreint par le texte qui est spécifique et qui vient clarifier la signification ou limiter l'application de ce verset qui est général. Et c'est de cette manière-là que les ulama d'Ahl Sunna prennent la compréhension et l'attitude qu'ils adoptent envers les textes de la révélation, et non pas de n'importe quelle façon comme le font les gens de passion. Donc le cheikh il dit ensuite: فالواجب بعد هذا الحرص الشديد في نقل الاخبار ان لا تنقل هذه الاخبار الا لاولياء الامور واهل الحل والعقد والعلم والتثبت في ذلك وعدم تحميل الخبر ما لا تحمل ما لا يحتمله وعدم إشغال الناشئة وعوام المسلمين بما لا فائدة لهم به ولا قدرة لهم على تحمله ومعالجته. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui est obligatoire après avoir fait preuve d'une grande effort, après avoir fait de grands efforts dans la transmission de ces informations-là, dans le sens de vérifier comme il faut leur authenticité et leur exactitude, il est obligatoire par la suite de ne diffuser ces informations-là que aux responsables d'entre les musulmans, ceux qui détiennent le commandement parmi eux, ceux qui sont les gens qui ont un rapport avec les décisions qui sont prises dans la société, que ce soit les décisions politiques ou religieuses, et les gens qui détiennent la science et qui vérifient donc l'obligation de vérifier ces informations-là par la suite. et de ne pas transmettre ou de faire donner à cette information-là une portée qu'elle ne porte, qu'elle ne tient pas, qu'elle ne mérite pas, et de distraire les gens, en particulier les jeunes et les musulmans en général, avec des informations qui ne sont pas du tout bénéfiques pour eux, qui ne contiennent rien de bénéfique, et également, aussi, c'est ça un point très important, comme le cheikh il le dit, et des informations que, même s'ils la possédaient, ils n'auraient aucune capacité de la porter ou de la régler, ou de régler le problème de cette information, qui est reliée à cette information-là. Hein? C'est comme si tu diffuses aux gens des informations sur une question qui les dépasse, en fait, qui les dépasse à tous les plans, à tous les points de vue. Et les gens pensent que, en étant informés de ça, ils vont pouvoir changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont la mentalité des koufars de dire que le nombre, c'est ça qui détermine la vérité. Dans le sens que plus de monde sont informés, donc plus de gens pourront réagir. Plus de gens pourront réagir et faire des manifestations et yani, se révolter et se rebeller. Donc c'est ça le but seulement de diffuser ces informations-là, c'est d'alerter la population pour créer en eux du désarroi ou bien de la colère, pour les amener à réagir et à se rebeller ou à se révolter des différentes choses qui se passent. Hein? Et donc, c'est pas des résolutions ou des façons de résoudre les problèmes qui sont islamiques. C'est des méthodes qui sont des méthodes établies par les koufars et utilisées par les koufars que ces gens-là veulent utiliser pour réagir dans ces situations-là. Et donc, c'est ça qu'on voit. On voit, par exemple, des gens qui font des affaires complètement absurdes. Hein? Des gens qui font, par exemple, qui vont par la suite avec des informations, on voit ça chez les koufars, qui vont faire des sit-in. Ils vont aller, par exemple, ils veulent sauver l'environnement. Ils entendent que à telle place il y a telle compagnie qui fait telle chose. Ils s'en vont là-bas, ils vont s'enchaîner aux machines ou aux différentes machines ou choses de ce genre pour régler le problème. Ils pensent que c'est cette façon-là. Hein. Et donc il y a des situations qui nous dépassent et le manhaj à suivre dans ces méthodes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment réagir, et c'est de donner la nasiha aux responsables et d'aller leur informer, de leur donner l'information au sujet de ces choses-là pour que des actions de la part de ces responsables-là soient prises pour que les choses changent. Et si il y en a qui disent ouais, mais si ce sont les responsables eux-mêmes qui font des choses comme ça, ou si ce sont des gens qui ont justement eux-mêmes le pouvoir ou les décisions qui font des choses qui sont de cette sorte-là, qu'est-ce qu'on fait, hein? Et bien encore la même chose, c'est toujours de donner la nasiha. Et là les gens disent oui mais si on fait juste donner la nasiha et qu'ils font rien par la suite, donc là qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste les bras croisés et on attend, hein, et on fait rien déjà, hein, déjà justement. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait, c'est la plus grande chose, la nasiha qu'on a donnée. Ça, c'est déjà le plus important. Et ensuite, par la suite, de faire des invocations et de faire des du'as. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il est capable de faire en sorte de changer la situation et d'amener du bien aux musulmans par la suite. Mais de réagir autrement et de dépasser cette limite-là, même si les gens vont s'imaginer que ça va amener du bien, ça risque d'amener plus de mal que de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve dans ces situations-là pour savoir comment on va agir et comment on va réagir. Est-ce qu'on va réagir comme des musulmans, c'est-à-dire en se basant sur le Coran et la Sunna pour résoudre ces problèmes-là, ou bien est-ce qu'on va réagir comme des gens de bid'ah ou comme des kuffars ou comme des activistes ou des gens yani, qui suivent leur passion, puis essayer de résoudre les problèmes par n'importe quel moyen et que le but justifie les moyens comme le font les kuffars pour arriver à leur but, on prend n'importe quelle méthode, c'est pas grave, peu importe qu'on fait, on fait quelque chose, c'est ça l'important. Alors ça c'est pas islamique, et ça c'est pas la façon comment on doit agir en tant que musulman, puisque le musulman, il vit pour Allah, et il doit, dans tout ce qu'il fait, respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but dans ce qu'il fait, c'est que Allah soit satisfait de ce qu'il fait et qu'il agrée son action. Et pour ça, on sait qu'il y a deux conditions. Il faut que l'action soit faite avec ikhlas et sincérité pour Allah seul, avec, hein, que la personne soit sur le tawhid. Et deuxièmement, que la personne applique cette chose-là selon les règles de la sharia, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, peu importe qu'est-ce qu'il fait et peu importe le résultat qu'il va obtenir, même si c'est positif, il ne sera pas récompensé pour qu'est-ce qu'il fait. Il n'aura pas d'ajr et son action va être rejetée, même s'il pense que ça ramène du bien. Alors où est le bienfait là-dedans, hein? Les gens ne réfléchissent pas à ces choses-là parce qu'ils n'agissent pas avec sincérité, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et illa man rahim Allah, hein, illa man rahim Allah. Donc Cheikh il dit, wa min ajib hal al ummah al yawm an ha'ula'i naqalat lil akhbar al mubadirin fi nashriha la yumayyizuna bayna naqil al akhbar fatarahum yarwuna khabaran an majallatin fajirah aw idha'atin fi dawlatin kafirah yahudiyya aw nasraniyya wa yaj'aluna hadha al khabar yaqiniyan ويبنون عليه مسائل خطيرة تتعلق بمصالح الأمة وما دروا أن الكافر لا يصلح أن يكون مصدرا للأخبار الصحيحة وأن هؤلاء الكفار إنما نشروا مثل هذه الأخبار لضرب الأمة بعضها ببعض ولإشاعة الوهن والخوف والشك في الأمة فلا يجوز بعد هذا قبول الأخبار إلا من الثقات العدول ثم بعد هذا ينظر في هذه في نشره حسب المصالح والمفاسد وبعد الرجوع إلى أولياء الأمور وعلماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها. Donc le cheikh il dit, et ça c'est très important aussi, il dit il est étonnant de voir l'état de la Ummah aujourd'hui, hein, de voir dans l'état de la Ummah aujourd'hui que ceux-là, ces gens-là qui diffusent toutes les informations et les nouvelles qu'ils reçoivent, qui se précipitent à les diffuser, ils ne font aucune distinction par rapport à ceux qui diffusent l'information. Et tu les vois en train de diffuser les informations et les nouvelles de tel ou tel magazine perverse ou de telle station de radio d'un pays mécréant, juifs ou chrétiens, et ils prennent ces informations-là comme étant des certitudes, et ils se basent sur ces informations-là et ils construisent par-dessus, c'est-à-dire ils construisent sur ces informations-là dont ils ne savent même pas l'exactitude et la véracité, ils se basent sur ces informations-là pour construire des questions et des sujets dangereux parfois qui sont reliés aux intérêts de la Ummah, et ils ne savent même pas que les kuffars ne sont pas une source de référence exacte, hein, et authentique comme ressource pour prendre nos informations et nos nouvelles, et que ces kuffars souvent ils ne font que diffuser ces informations là pour frapper la Ummah, hein, les uns contre les autres, et pour diffuser, hein, parmi les musulmans il y a ni la faiblesse et la peur et le doute et l'incertitude dans la Ummah. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans. On a vu qu'est-ce qui s'est passé dans les fitnas qui se passent aujourd'hui dans les pays musulmans. Le rôle des médias, des koufars, comment ils diffusent n'importe quelle information parmi les musulmans. Et souvent on voit que c'est pour, hein, se moquer des musulmans. Et pour se moquer d'eux, on le voit comment ils font l'éloge des révoltes qui se passent dans les pays musulmans et qu'ils glorifient les pays musulmans, et on voit qu'ils mettent ça dans les premières pages de leurs journaux et de leurs magazines dans leur pays, hein. Et ils font croire aux musulmans, parce que les musulmans maintenant, beaucoup de musulmans, pas tous les musulmans, mais beaucoup de musulmans maintenant sont devenus يعني disons qu'ils ont plus confiance aux kuffars qu'aux musulmans et qu'ils ont plus confiance aux informations diffusées par les kuffars que par les informations diffusées par les musulmans dans la Ummah. Et quand une information leur vient des kuffars, pour eux c'est comme la vérité, hein, la certitude, comme le cheikh il le dit. Et yani, tu vois que ces gens-là, ils, leurs opinions et leurs informations viennent en contradiction avec ce que disent les ulama d'Ahl-Sunnah. Hein? Non. Donc le cheikh il dit fala yajouz. Donc il n'est pas permis d'accepter les informations, excepté si elles viennent de la part des gens qui sont fiables et honnêtes. Puis par la suite, il faut vérifier dans l'information elle-même pour voir est-ce qu'elle mérite d'être diffusée ou non, selon les bienfaits et les méfaits qui sont reliés à cette information-là, après être tourné aux responsables des affaires des musulmans et aux ulama de la Ummah et aux gens qui ont un lien avec les prises de décision dans la Ummah. Hein? Et il dit ومن أعظم الشواهد على تطبيق السلف رحمهم الله لهذه القاعدة العظيمة وقت الفتن. Parce que eux, ces gens-là, souvent qui diffusent ces informations, ils se basent sur la démocratisation de l'information, puis l'idée que il faut que tout le monde ait accès à l'information de la même façon, de la même manière. Tout ça, ça vient des idéologies des koufars et de la mentalité des koufars à 100%. Hein? Et eux, ils s'imaginent que ça c'est quelque chose de bon, et ils pensent que ça c'est. Parfois, ils essaient d'essayer de faire croire aux gens que ça c'est islamique d'agir comme ça, alors que ça n'a rien à voir avec avec l'islam, et c'est même contraire à l'islam. Aynam, Tayyib, Inch'Allah. Donc, nous on va s'arrêter ici, Inch'Allah, parce que je crois que en ce moment en Belgique c'est le Azan. Donc on va s'arrêter à ce point, Inch'Allah, puis on continue la semaine prochaine si c'est possible, Inch'Allah. Je sais qu'il y aura un séminaire, je crois que c'est cette semaine, le séminaire avec le frère Hassan Abu Asma, hafizahullah, le frère qui va donner le séminaire chez les frères en Belgique. Donc je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, si c'est le cas, en tout cas on va vous informer de s'il y a un changement dans le programme, si jamais on va remettre le dars de la semaine prochaine. Donc peut-être que dans ce cas-là on va le faire seulement la semaine d'après, donc la semaine prochaine, puisque ce sera le frère Hassan qui va donner le cours. Donc la semaine prochaine, probablement qu'il n'y aura pas de cours le mercredi prochain. On fera les frères ils auront le cours avec Hassan Abu Asma, et on aura la semaine d'après Inch'Allah, probablement continuera la suite de notre cours bi'ifnillah. طيب, donc on s'arrête ici Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la semaine prochaine. وإياكم على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة، على السنة